regarder tu. Tu me dis quoi, gaffe, et moi, mais tout ça, je m'en tape. Fais ce que je te dis, t'auras des putes avec tes tubes. Tu me dis quoi, gaffe, et moi, mais tout ça, je m'en tape. L'or et les tasses, frère, tout ça, je m'en tape. Number one, débat, tout ça, je m'en tape. J'avais 15 piges quand j'ai gratté mes premiers textes. Des souvenirs ensevelis dans un recoin de ma tête. Le public m'écoute, me comprend et m'accueille. On m'a dit ne viens à loup, car les jaloux sont tous blindés d'orgueil. J'ai fait saigner ma plume au point de la faire accoucher. Crier fort pour que les oreilles se débouchent. Et d'effort en effort, tu gravites sur la scène. Et là t'oublies tes peines, tu représentes épinettes sur ciel. Pour faire briller les yeux, pour faire danser les foules. Respecter ceux qui crient pour toi, qui font du des foules. Mais tu t'y perds, y'a des gens qui viennent te voir. Et plus ils viennent et plus ils partent. Et plus t'achètes de réservoirs, ils baratinent. Et disent que t'as l'étoffe pour être une star. Tu peux péter des barres. C'est au top de le départ en vrai acteur. Mais j'en ai rien à foutre. Je fais de la musique pour être pisse. Me délivrer du temps quand on prétend que tout s'active. Alors je me bats, ma passion est dans les tripes. Ben ouais on trime. Mais l'important c'est de croire en ce qu'on écrit. Arrête de parler, faire des tues, les faire des tues. Tu me dis quoi, gars, mais moi, mais tout ça je m'en tape. Fais ce que je te dis, t'auras des buts avec tes tues. Tu me dis quoi, gars, mais moi, mais tout ça je m'en tape. L'or et les tasses, frère, tout ça je m'en tape. Number one, débat, tout ça je m'en tape. Et t'en rencontres beaucoup des gars qui ça racontent. Mais qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui teste et qu'est-ce qui compte. On a l'écriture dans le sang. On parle de choses, on soutient des causes. Mais l'important c'est qu'on le chante. Comprenez bien, on a une rime pour chaque verre. Et chaque frère vers un nouveau proche sur le prochain charter. Et la clinique pourrait soigner les contusions. Mais là où on vit, là où on meurt, y'a que des confusions. On rappe la vision des frappes atomiques sur l'Irak. Et on craque parce qu'on béton pour possession de crack. J'ai vu des gars qui avaient la dalle, qui pouvaient t'arracher un steak et crever pour une médaille. La patrie est sur le tas et trier comme du bétail. Nos ghettos sont des enclos bloqués par l'état. Des étalages de misère sociale. Parce qu'on a l'âge de la guerre, qu'on est des terres et qu'on s'en tape les détails. Parce qu'on est seul souvent à gratter sa feuille. Œil pour œil, temps pour temps et nique le portefeuille. Arrête de parler, faire des tues, les faire des tues. Tu me dis quoi, gars, mais moi, mais tout ça je m'en tape. La famille, c'est ce que je te dis, t'auras des buts avec tes tues. Tu me dis quoi, gars, mais moi, mais tout ça je m'en tape. La balle des hommes. Et les tasses, frère, tout ça je m'en tape. Altesse, number one, débat, tout ça je m'en tape. Yeah. Arrête de parler, faire des tues, les faire des tues. Tu me dis quoi, gars, mais moi, mais tout ça je m'en tape. Représente, qu'est-ce que je te dis, t'auras des buts avec tes tues. Tu me dis quoi, gars, mais moi, mais tout ça je m'en tape. L'or et les tasses, frère, tout ça je m'en tape. Yeah. Number one, débat, tout ça je m'en tape.